بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajdi, sur le fiqh et sunnah et le kitab al-aziz. La semaine dernière, on avait continué le chapitre de l'usure, al-riba. On avait cité les derniers hadiths ou la fin des hadiths qui montrent le châtiment qu'encourt ceux qui consomment de l'usure ou bien ceux qui le donnent à consommer, ceux qui sont témoins et écrivent un acte usuaire ou un contrat usuaire. Donc on avait cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que l'usure est constituée de 73 est composé de 73 portes. Et on avait expliqué que cela voulait dire 73 sortes ou 73 transactions ou 73 cas qui comportent l'usure, et le cas le moins pire, yani, celui qui commet le moins pire de ces 73 cas, c'est comme forniquer avec sa mère. Ça revient à avoir des rapports avec sa mère, ou bien de... Est-ce que le hadith qui dit « Fi baytillahi al-haram » est authentique ?« Fi baytillahi al-haram » c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il continue à partir de ce moment-là, forniquer avec sa mère. Alors, il faudrait faire une recherche dessus. Qui a des rapports avec sa mère, « Fi majid al-haram » Allah, il faut faire une recherche dessus. Et ensuite, il y a un autre hadith où le professeur Hassan m'a dit qu'un dirham qui est consommé d'usure est pire que de forniquer combien de fois ? 36 fois. Non. Ensuite, on avait parlé des sortes de riba et on avait dit qu'il y avait combien de sortes ? Deux sortes qui sont appelées riba al-nasi'a ou riba al-fadl. Qu'est-ce que riba al-nasi'a ? Qu'est-ce que riba al-nasi'a? Riba al-nasi'a, c'est prendre un surplus dans l'argent en le justifiant par un retardement de remboursement. C'est prendre un surplus d'argent et ceci étant justifié par un retard, comme de prêter de l'argent et de récupérer plus, ceci pour compenser la durée. Pour ceci, pour compenser la durée. Et on avait dit que cette sorte de riba était interdite dans le Coran, dans la Sunna et à l'unanimité de la communauté musulmane. Et c'est ce qui est aussi appelé riba al-jahiliya. C'est cette usure qui était la plus utilisée, ou cette forme d'usure qui était la plus utilisée avant l'arrivée de l'islam, et c'est celle qu'Allah Azzawajal a interdit dans le Coran. Allah Azzawajal, lorsqu'il dit ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba, il s'adresse aux compagnons radhiyallahu anhum qui se sont convertis et qui ont encore des dettes vis-à-vis des gens, et Allah Azzawajal leur ordonne de délaisser toute usure, et ce qu'ils ont prêté, qu'ils ne récupèrent que la somme prêtée, et non pas de surplus. Et on avait vu ceci dans d'autres hadiths, notamment lorsqu'on avait expliqué Khutbat Hajjat al-Wada', le discours que le professeur Hassam avait fait lors de son pèlerinage d'adieu. Qu'est-ce qu'il avait dit au professeur sallam? Ala inna riba al-jahiliyati mawdu' wa awwal riba ad'uhu riba al-Abbas. Et le professeur sallam a dit que l'usure est abolie, l'usure anti-islamique est abolie, et la première usure que j'abolis, c'est celle de Al-Abbas, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le professeur sallam a interdit quelque chose, et il a commencé pour donner l'exemple par les membres de sa famille. Et tout l'argent qu'avait prêté Al-Abbas, qui était l'oncle du professeur sallam, le professeur sallam a aboli tout intérêt, c'est-à-dire que tout l'argent qu'il avait prêté, il ne devait récupérer que cet argent et pas un dirham ou un dinar de plus. Et ensuite, la deuxième sorte de riba qui est riba al-fadl, qui signifie de vendre de l'argent par de l'argent, plus précisément un exemple de vendre deux dirhams pour un dirham, de vendre deux dirhams pour un dirham ou un dirham pour deux dirhams. Ceci est interdit. Et ceci est interdit dans le sunna du professeur sallam et à l'unanimité des savants. Et les savants disent que cette deuxième sorte de riba, riba al-fadl, est un moyen qui amène à riba al-nasi'a. C'est un moyen qui amène à riba al-nasi'a. Pourquoi est-ce que c'est un moyen? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Pourquoi est-ce que c'est un moyen? De dire, par exemple, je te donne un dirham, tu m'en donnes deux. Je te donne un dirham, tu m'en donnes deux. Ceci est considéré comme riba al-fadl. C'est-à-dire que je te donne un dirham et tu m'en donnes deux. Ici, il y a un riba, une usure qui est de un dirham. Mais c'est une transaction qui est faite directement. Mais celui qui donne 2 dirhams, yani, au fur et à mesure du temps, il peut se dire, mais moi je te donne plus. Pourquoi est-ce que tu n'attends pas? Ou pourquoi est-ce qu'on ne se mette pas d'accord pour que je te rende? Ou que je te donne ces 2 dirhams, mais dans un mois? D'accord? Il va accepter, il va dire, ok, pas de problème, tu me les donnes dans un mois. Ici, on va tomber dans riba al-nasi'a, qui est riba al-jahiliya. Et cette deuxième sorte d'usure, riba al-nasi'a, est pire que riba al-fadl. Est pire que riba al-fadl. C'est clair? Ensuite, on avait cité les différentes sortes ou natures de biens qui, dans laquelle intervient l'usure, qui sont au nombre de 6, qui sont l'or, l'argent, le blé, l'orge, les dates et le sel. Les dates et le sel. Ce sont les 6 natures que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées dans le hadith de Ubad ibn Samit radhiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: al-dhahabu bil-dhahab, wal-fiddatu bil-fidda, wal-burru bil-burr, wal-sha'iru bil-sha'ir, wal-tamru bil-tamr, wal-milhu bil-milh, et le sel par le sel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a interdit dans ce hadith vis-à-vis de ces 6 natures de choses? Qu'est-ce qu'il a dit le professeur sallam? Mithlan bimithl, wa sawa'an bisawa'. Qu'est-ce qu'il est interdit de faire concernant ces 6 natures? Et on est d'accord que les savants appellent ces 6 catégories al-rabawiyyat. Al-rabawiyyat, c'est-à-dire, ce sont des choses dans lesquelles intervient l'usure. C'est-à-dire que je ne peux pas vendre de l'or par de l'or comme je le veux. Je ne peux pas vendre du blé par du blé comme je le veux. Je ne peux pas vendre du blé par de l'orge comme je le veux. Il y a des règles à respecter, car ces choses citées sont des choses dans lesquelles intervient l'usure. Et on avait vu la semaine dernière qu'il est interdit de vendre, le professeur Sam a dit, al-zahabu bil-zahab, de vendre l'or par l'or, sauf à deux conditions, qui sont mithlan bi-mithl, sawa'an bi-sawa, wa yadan bi-yad. Mithlan bi-mithl, ça veut dire qu'il y a la même quantité. Sawa'an bi-sawa. Sawa'an bi-sawa. Ahsan. Sawa'an bi-sawa, le professeur Hassan l'a dit pour attester, pour appuyer le fait que la quantité doit être la même. Il y a donc deux conditions. Sawa'an bi-mithlan bi-mith, c'est-à-dire que ce doit être la même quantité. Et la deuxième condition qui est yadan bi-yad, c'est-à-dire de main à main. De main à main, c'est-à-dire je te donne et tu me donnes. Ceci concernant le fait de vendre deux choses de même nature. Parce qu'il faut différencier entre deux choses de même nature et on va dire il y a deux sortes. Quand on parle de deux sortes, cela sous-entend qu'elles sont de même nature. De la même famille. Al-jins, il y a al-jins et al-nawa. Al-jins, c'est la nature, la famille. Comme par exemple, l'or, l'argent, le blé, l'orge. Chacune de ces catégories fait partie, est une nature et une famille à part entière. Et il y a al-nawa. Il y a al-nawa qui est le genre. C'est-à-dire, dans l'or, il y a plusieurs genres. Il y a l'or blanc, il y a l'or rose, il y a l'or jaune, il y a l'or sculpté, il y a l'or brut, etc. Il y a plusieurs genres d'or. Également pour l'argent, pareil pour le blé, pareil pour l'orge, pareil pour le sel, pareil pour les dattes. Il y a plusieurs sortes de dattes. Mais elles restent dans la même nature, la même famille qui est la nature des dattes. Concernant vendre deux choses parmi les rabaouillettes qui sont de même nature, qui sont dans de même nature, il y a deux conditions qui doivent être respectées. Quelles sont-elles? Quelles sont-elles? La même quantité et yadan biyad. Et la transaction doit se faire sur le champ. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. On va voir, inch'Allah, la suite des jugements qui viennent après. On avait vu aussi, Non, on va voir ça, inch'Allah. La semaine dernière, on avait commencé à le traiter. C'était la fin du cours, c'est juste avant qu'on conclue. Le professeur Hassan a cité les six catégories, ou les six natures, ou les six familles, comme vous le voulez. Est-ce que on doit se restreindre à ces six choses, ou est-ce que cela est plus vaste? Le professeur Hassan a cité l'or, l'argent, l'orge, le blé, les dattes et le sel. Est-ce que ce n'est que dans ces six catégories de choses qu'intervient l'usure, ou est-ce que c'est plus vaste? Il y a une divergence des savants. La plupart des savants considèrent que c'est plus vaste. Que c'est plus vaste. Quelle est leur preuve? Concernant al-zahab ou al-firda, concernant l'or et l'argent, est-ce que ça se restreint à l'or et à l'argent, ou est-ce que c'est plus vaste? Et si c'est plus vaste, pourquoi? Par rapport à l'alcool. Non? Avec l'alcool. L'alcool? C'est-à-dire qu'on a perdu l'alcool, c'est tout ce qui est aussi en livre. Non, mais c'était pas l'argument qui avait été cité la semaine dernière, non. C'est que l'or et l'argent, ce sont des choses de valeur, des choses qui sont utilisées comme monnaie d'échange. C'était la monnaie au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont dit, tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est considéré chez les gens comme étant une monnaie d'échange, eh bien, cela est similaire. Autrement dit, l'argent, c'est-à-dire les espèces, est-ce qu'elles sont assimilées à l'or et à l'argent ? Oui. C'est-à-dire que je ne peux pas te vendre 100 euros pour 200. Et je n'ai pas le droit de te prêter 100 euros pour que tu m'en rendes 150. Pourquoi ? Car cela est similaire à l'or et à l'argent. Ensuite, et nous on avait vu que dans ce hadith, il y avait deux, le professeur Hassan avait parlé d'une partie qui est l'argent, qui est des choses de valeur, et l'autre partie était considérée comme de la nourriture. Le blé, l'orge, les dattes, le sel, tout ceci est considéré comme de la nourriture. Et les savants ont dit que cela est plus vaste à ce qui a été cité dans le hadith et englobe. Qu'est-ce que cela englobe ? Il y a une divergence des savants. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit ? Non, que c'est tout ce qui se pèse et tout ce qui se mesure. Tout ce qui se pèse et tout ce qui se mesure, mais qui fait partie des denrées essentielles. Qui fait partie des denrées essentielles. Tout ce qui est considéré comme une denrée essentielle, eh bien, l'usure intervient dedans. Et les autres savants, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Comme Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Tout ce qui se pèse, se mesure et qui est consommable. Tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure et tout ce qui est, tout ce qui se mange. Tout ce qui se mange. Il y a deux avis des savants. Et d'autres savants ont même dit que c'est tout ce qui se pèse et tout ce qui se mesure. Que cela se mange ou que cela ne se mange pas. D'accord ? Ensuite, on avait cité une exception. Donc on avait dit la semaine dernière que lorsque la nature change, combien de conditions doivent-elles être respectées lorsque les natures changent. C'est-à-dire la nature change, exemple, le blé et l'orge sont deux natures différentes. Je te vends de l'orge par du blé. Quelles sont les conditions pour que la vente soit valide ? Non ? Le consentement, bien sûr. Et que la vente se fasse sur place. Et que la vente se fasse sur place, sur le champ. Et est-ce que la quantité doit être la même ? Est-ce que si je te vends 10 kilos d'orge, tu dois me donner 10 kilos de blé ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est différent. Quelle est la preuve ? Que quand c'est différent, tu as le droit de rajouter. Dans le hadith, na'am, puisque le professeur Salam dit à la fin du hadith, فَيْدَخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ فَيْدَخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ. Et lorsque ces catégories, ces natures changent ou diffèrent, alors vendez comme vous le voulez. Mais le professeur Salam a dit, إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ, lorsque ceci est fait de main à main. Donc ici, le professeur a autorisé, quand les natures sont différentes, d'augmenter, que la quantité ne soit pas la même. J'ai le droit de te vendre 1 kg de blé pour 100 kg d'orge. D'accord ? J'ai le droit parce que ce sont deux natures différentes, mais à une condition, c'est que la transaction se fasse sur le champ. Que tu aies ton blé avec toi et que j'ai mon orge avec moi. Mais de retarder, non. De dire, voilà, je te vends 10 kilos, 1 kilo de blé pour 100 kilos d'orge, le blé je ne l'ai pas maintenant, je te le donne dans 2 jours ou 3 jours. Là, cela est interdit. Et on avait cité une exception à ceci, qui est le fait de vendre de la nourriture par de l'or ou de l'argent. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Ici, la nourriture, c'est une nature, et l'argent, c'en est une autre. Celui qui vend 10 kilos de blé ou 10 kilos de dattes pour 10 euros, quelles sont les conditions pour que la vente soit valide? Il y en a combien qui sont? Non. Non, là c'est une vente là. Là on parle de la vente, on ne parle pas du prêt. On va voir, Inch'Allah, je vois où tu veux en venir. Et si on applique le hadith, combien de conditions doivent être respectées pour que la vente soit valide? Une seule qui est sur le champ. Les dates et l'argent, ce sont deux natures différentes. Si on applique le hadith, j'ai le droit de te donner de l'argent, une quantité qui n'est pas obligatoirement la même que les dates, mais à condition que cela se fasse sur le champ. Car le professeur Hassan a dit « فَإِدَخْتَلَفَتْ هَذِي أَصْنَا فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ » Lorsque les catégories ou les natures diffèrent, vendez alors comme vous le souhaitez. Mais il y a un autre hadith qui vient spécifier ce hadith-là sur ce point. Et ce hadith, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a trouvé les gens qui se prêtaient, d'accord ? Ils se prêtaient des dates, et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que cela était autorisé à condition que la mesure soit déterminée, que le poids soit déterminé et que la durée soit déterminée. Et on avait dit que cela était appelé as-salam, c'est-à-dire je te donne de l'argent en avance par rapport à ce que je vais acheter de toi. Par exemple, ça peut être des dates ou autre. D'accord ? J'ai le droit de faire ça à condition que la quantité de dates que je vais acheter chez toi soit déterminée. Et à condition que la durée soit déterminée. Voilà, je te donne tant d'argent pour tant de kilos de dates que tu devras me donner à tel moment. Là, tu as le droit de faire as-salam. Et ici, qu'est-ce qui est donné en avance de phase? Qu'est-ce qui est donné en avance de phase dans cette transaction? L'argent. L'argent, je te l'ai donné. Tu l'as pris. Mais moi, ce que je n'ai pas encore eu, c'est... ce sont les dates, c'est la marchandise. Donc, ce qui est avancé, c'est l'argent, et ce qui est retardé, c'est la marchandise ou les dates. D'accord ? Et dans le hadith, « yastalifuna at-timar », dans le hadith, dans Sahih Muslim, il a été cité qu'il se prêtait des dates. Et les dates font partie de « al-rabawiyat », font partie de cette catégorie, de ces catégories dans lesquelles intervient l'usure. Intervient al-riba. Et le professeur Hassan l'a autorisé à condition de respecter ces conditions, à savoir que la mesure ou le poids doit être déterminé et que la durée également doit être déterminée. Donc, lorsque c'est de la nourriture avec de l'argent, qu'est-ce qui est autorisé de faire ? De retarder la nourriture et d'avancer l'argent, mais aussi de donner plus. Il n'y a pas de ishtirat at-tasawi. On n'est pas obligé de vendre exactement la même quantité. C'est clair ou pas ? طيب يقول المؤلف فإذا بيع جنس من هذه الستة بجنسه كذهب بذهب أو تمر بتمر حرم التفاضل وحرم النساء ولا بد من المماثلة في الوزن أو في الكيل بغض النظر عن الجودة والرداءة ولا بد من التقابض في المجلس. Donc l'auteur dit فإذا بيع جنس من هذه الستة بجنسه كذهب بذهب. Lorsque l'une de ces six catégories, pourquoi est-ce que l'auteur a dit les six catégories? Ils sont cités dans le hadith, mais pourquoi est-ce qu'il les a restreints à 6? Pourquoi? Parce qu'il est de l'avis de... Ahsan, parce que c'est son avis. L'avis de l'auteur, c'est que un riba, que l'usure, intervient sur ces 6 catégories uniquement. Donc il est de l'avis de l'imam Ibn Hazm al-Zahiri. Comme l'a dit l'auteur lui-même, voilà, yajri riba illa fil asnaf sitta. Et l'usure n'intervient que sur ces six catégories. D'accord ? Et on avait vu que l'avis de la plupart des savants était que cela était plus vaste que ces six choses. Donc l'auteur dit, lorsque ces six catégories sont vendues, lorsque l'une de ces catégories est vendue par la même catégorie, comme l'or par l'or, ou les dates par les dates, حَرُمَ التَّفَاضُلُ وَحَرُمَ النِّسَى. Il est interdit de faire un surplus et il est interdit de retarder. وَلَا بُدَّ مِنَ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ. Il est obligatoire de, que la transaction se fasse dans le lieu de la vente. C'est-à-dire que la transaction se fasse sur le champ. Donc quand ce sont des choses de même nature, de vendre des dates par des dates, de vendre de l'or par de l'or, de vendre de l'argent par de l'argent, du blé par du blé, il doit y avoir deux conditions qu'ils doivent être respectées, qui sont la similitude, c'est-à-dire que la quantité doit être exactement la même et la transaction doit se faire sur le champ. La preuve, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. حديث متفق عليه. La preuve du hadith d'Abi Saïd al-Khudri رضي الله عنه qui rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: ne vendez pas l'or par l'or, sauf si cela est similaire, c'est-à-dire sauf si la quantité est la même. Sauf si la quantité est la même. Wala tushifu ba'daha ala ba'd. Wala tushifu. Qu'est-ce que ça veut dire wala tushifu? Là? Qu'est-ce que ça veut dire, voilà, tout chiffre faux? Il y a du verbe chaffa, qui veut dire n'augmentez pas. Voilà, tout chiffre faux, barbara à la barde. Et chaffa peut avoir deux sens. Tout dépend du pronom qui vient après. Si le pronom qui vient après est ala, alors chaffa veut dire aziyada. Et si le pronom qui vient après est an, alors shaffa signifie an-nuqsan. Si on dit shaffa shay'un ala shay, c'est-à-dire que cette chose a été augmentée par rapport à l'autre. Et lorsque tu dis shaffa shay'un an shay, c'est-à-dire que cette chose a été diminuée par rapport à l'autre. Et ici dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wala tushifu ba'daha ala ba'd. Ala ba'd. Et de là on en déduit que le verbe chef ici dans ce hadith signifie augmenter. Et n'augmentez pas l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que lorsque vous vendez de l'or par de l'or, il ne doit pas y avoir une partie de l'or qui est en plus grande quantité que l'autre. Wala tabi'u al-wariqa bil-wariq. Et ne vendez pas al-wariq qui signifie al-wariq. Al-waraq, c'est le papier. Al-waraq, c'est l'argent. Al-waraq, c'est l'argent, le métal, l'argent. Wala tabi'u al-wariqa bil-wariq. Ne vendez pas l'argent par l'argent, illa mithla bimithl. Sauf si la quantité est exactement la même. Wala tushifu ba'daha ala ba'd. Et n'augmentez pas, ou ne faites pas d'augmentation, ou ne donnez pas plus d'argent d'un côté que de l'autre. Wala tabi'u minha ghaiban binajiz. Wala tabi'u minha ghaiban binajiz. Et ne vendez pas l'absent par le présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ghaib, c'est l'absent. Et najiz, c'est ce qui est présent. Non, c'est-à-dire il faut que la vente soit faite sur place. Il faut qu'il y ait ce que les savants appellent at-taqabut. Il faut que la transaction se fasse sur le champ. Autrement dit, dans ce hadith, le professeur sallam interdit deux sortes de riba, les deux sortes de riba. La première qui est riba al-fadl, lorsque le professeur sallam a dit « illa mithlan bimithl ». Ceci vient interdire riba al-fadl. Et la parole du professeur sallam lorsqu'il dit « wala tabi'u ra'iban binajiz » et ne vendez pas l'absent par le présent, ici c'est l'interdiction de quel riba? Riba al-nasi'a. Riba al-nasi'a. Donc on avait dit la semaine dernière que mithlan bimithl, c'était dans le hadith, c'est-à-dire que cela doit, la similitude doit être exacte. On avait dit que la similitude intervenait dans quel cas? Est-ce que c'était la similitude dans la quantité ou la similitude dans la qualité ou les deux? C'est-à-dire, est-ce que l'or que tu vends, tu vends 200 grammes d'or pour 200 grammes d'or. La similitude, on avait dit qu'elle concernait la quantité. C'est 200 grammes pour 200 grammes. Et si tu vends 200 grammes pour 201 grammes, ce 1 gramme est considéré comme riba, comme riba al-fadl. Est-ce que l'or doit être de la même qualité? Est-ce que l'or doit être de la même qualité ou non? Non. Non. Qui a des lingots, une personne qui a des lingots. On avait dit que non. On avait dit que mithlan bimithl, c'est-à-dire la similitude, c'est uniquement dans la quantité. Et l'auteur l'a dit, je ne sais même pas si j'ai traduit. Wala budda min al-mumathalati fil wazni aw fil kayl. Et il est obligatoire d'avoir une similitude et une exactitude dans la pesée et dans la mesure sans faire attention à la qualité, comme l'a dit l'auteur. Donc si la qualité n'est pas la même, est-ce que tu as le droit de vendre de l'or d'une moindre qualité pour de l'or d'une meilleure qualité mais pour un poids exactement le même? Oui. Mais certains vont vous dire, mais attends, à quoi ça sert de vendre de l'or pourri pour avoir de l'or neuf, de meilleure qualité? En plus, le poids est le même. Quelle est la réponse? Ceux qui vendent son or, qui l'achètent avec l'argent. Non, soit c'est ça, ou soit alors toi qui as un or qui est de moindre qualité, vends cet or. Vends-le pour de l'argent. Et avec cet argent, l'argent de la vente, achète l'or qui est de meilleure qualité. Mais en aucun cas de rajouter dans le poids à cause de la qualité qui n'est pas la même. Là, tu rentres dans al-riba. Là, tu rentres dans al-riba. Pourquoi? Car c'est de l'or et l'or fait partie de al-rabawiyat. L'or fait partie de ces catégories dans lesquelles intervient l'usure. Maintenant, si quelqu'un vous dit une transaction, on va prendre l'exemple d'une transaction, je te vends de l'or brut, de l'or brut, 200 grammes ou 300 grammes, et toi tu me vends un collier d'or de 300 grammes. Mais cette personne vous dit, il faut que tu me rajoutes, parce que l'or que je te donne, c'est-à-dire ce collier, c'est un or qui est travaillé. Est-ce qu'il y a du temps qui a été passé dessus? Pour le sculpter, pour l'embellir, pour le polir, etc. Oui ou non? Oui. Et l'or que je donne, moi, c'est de l'or brut, c'est-à-dire c'est une pierre jaune. Est-ce qu'on a le droit de rajouter pour compenser le travail de sculpture de ce collier? Oui ou non? Non, interdit. Cela est interdit. Que ce soit une histoire de qualité ou que ce soit une histoire de surplus de travail dans un côté plus que de l'autre, dans tous les cas, le poids doit être le même. le poids doit être le même. Et si celui qui vend le collier n'est pas d'accord, et que celui qui donne l'or brut veut absolument acquérir le collier, qu'est-ce qu'il fait? Il vend son or et il achète le collier. Tout simplement. Il vend son or et il achète le collier. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر ربا والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء كما في الصحيحين. Selon عمر بن الخطاب رضي الله عنه, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'or par l'or est de l'usure sauf ha awaha. Qu'est-ce que ça signifie ha awaha? Non, pas m'éterminer. Illa ha awaha. Personne. Illa ha awaha, c'est ha et ha. C'est-à-dire ha, je te donne, et ha, tu me donnes. إلا هاء وهاء. نعم. الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. C'est-à-dire que l'or par l'or est de l'usure, sauf si il est donné sur place, sauf si la transaction est sur place. Autrement dit, ici, le professeur Asselin parle de quel riba? Riba al-Nasi'a. Ici, le professeur Asselin parle de riba al-Nasi'a, qui est l'usure dû au retardement. D'accord? Lorsque je vends de l'or par de l'or, on avait dit qu'il y avait deux conditions. La première, c'est que la quantité doit être la même, et la deuxième, c'est que la vente doit se faire sur le champ. Si la quantité est la même, mais que la vente ne se fait pas sur le champ, dans quelle sorte de riba on tombe? Riba nasi'a. Et si la quantité n'est pas la même, mais que la transaction se fait sur le champ, là on rentre dans quel cas? Riba al-Fadl. Et si la quantité n'est pas la même et la transaction ne se fait pas sur le champ, là c'est Riba al-Nasi'a aussi. Parce qu'en général, dans Riba al-Nasi'a, il y a Riba al-Fadl. Dans Riba al-Nasi'a, en général, il y a Riba al-Fadl. Non. Dans Riba al-Nasi'a, c'est un surplus. Non. Il y a le retard. Le retard, il est considéré comme riba al-nasi'a, même s'il n'y a pas de surplus. Car cela fait partie de Rabawiyat. Seulement avec Rabawiyat. Non ? Seulement avec Rabawiyat. Wal-burru bil-burri riban illa ha'awaha. Et le blé par le blé, la vente du blé par du blé, est considéré comme une usure, sauf ce qui est donné et pris dans la même assise. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. Et l'orge par l'orge est de l'usure, sauf si cela, la transaction est faite sur le champ. Et pareil, والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. Pareil pour les dates par les dates, c'est de l'usure, إلا هاء وهاء, sauf ce qui est donné et pris sur le champ. وعن أبي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بحنطة بصاع ولا درهم بدرهمين حديث متفق عليه حديث muttafaqun alayh. Et selon Abu Sa'id, il dit kunna nurzaqu tamr al-jam'i 'ala 'ahd Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions des dates, si on traduit tamr al-jam', sont des dates réunies, 'ala 'ahd Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa al-khalt min at-tamr. Les dates réunies, c'est-à-dire un mélange de dates, un mélange de différentes sortes de dates. فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. et nous vendions deux sa'a pour un. Les savants disent que al-muhtarat min al-tamr, ces dattes mélangées, elles étaient mélangées car elles étaient de mauvaise qualité. Et le fait de les mélanger faisait en sorte qu'elles étaient vendables. Donc, ce qui était connu au temps du prophète, c'est que les dattes mélangées avaient moins de valeur que les autres dattes qui étaient de meilleure qualité. C'est pour cela que Abu Sa'id radiallahu anhu dit فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعِينِ بِصَاعٍ, et nous vendions deux sa'a de ces dates mélangées à pour un sa'a d'autres dates. Un sa'a, on avait dit que c'était combien de kilos? 2 kilos 2 kilos 4 ou 2 kilos 40? 2 kilos 40 2024 grammes 2040 grammes. Enfin, فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, et ceci est parvenu au prophète صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire que ce genre de transaction est parvenu au prophète صلى الله عليه وسلم. فقال لا صاع تمر بصاع, il n'y a pas deux صاع de date pour un صاع, ولا صاع حنطة بصاع, il n'y a pas deux صاع de froment pour un صاع, ولا درهم بدرهمين, il n'y a pas deux dirhams pour, ou il n'y a pas un dirham pour deux dirhams. C'est-à-dire, qu'est-ce que le prophète sallam a dit ici? Qu'est-ce qu'il a interdit? Il a interdit at-tafadul. Le prophète sallam a interdit de vendre deux sa' de date, autrement dit 4,80 kg, pour 2,40 kg, même si les 4,80 kg de date sont de moins bonne qualité que les 2,40 grammes de date qui sont elles de meilleure qualité. Pareil pour le froment, il est interdit de vendre 2 sa'a de froment pour 1, et pareil il est interdit de vendre 1 dirham pour 2 dirhams. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Maintenant, comment comprendre? Est-ce qu'il est logique de vendre deux sa'a de date de moindre qualité pour un sa'a de date de meilleure qualité? Dans la logique des choses, c'est logique ou pas? C'est logique. Mais en islam, c'est interdit. Mais pour comprendre, il y a une chose importante à savoir, c'est que dans le chapitre de riba, de l'usure, il faut se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans le Bukhari, Bilal radiallahu anhu a acheté des dattes appelées al-barni. A acheté des dattes appelées al-barni. Et al-barni, cette sorte de date, le prophète sallam a dit khayru timarikum al-barni fa innahu dawa wa la da'a fihi. Le prophète sallam a dit dans le hadith authentique, les meilleures de vos dattes sont les dattes appelées al-barni. Elles sont un remède et il n'y a pas de maladie. Elles ne comportent pas de maladie. Et Bilal radiallahu anhu a acheté un sa' de dattes al-barni. Et il les a achetés pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les consomme. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ces dattes, il s'est étonné. Il a dit, mais il n'y a pas ce genre de dattes ici. Comment te les as-tu procurées? Et Bilal radiallahu anhu a dit, j'ai vendu deux sa' de dattes. Nous vendions deux sa'a de date, c'est-à-dire de moindre qualité, et en échange, on avait un sa'a de cette catégorie de date qui était de très bonne qualité. Et le prophète sallam a dit Awah, Awah, Aynul Riba, Aynul Riba. Le prophète sallam a dit Awah, Awah. On va dire Oulala. Aïnur riba, aïnur riba. C'est exactement le l'usure, c'est exactement l'usure. D'accord ? Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné la transaction qu'a fait Bilal radiallahu anhu, même si elle paraît logique. Et que dans cette transaction-là, il n'y a pas de choses réprimandables. Yani, tu vends des dates pas bien, une quantité plus grande, et en échange, tu as une quantité moindre, mais des dates meilleures. En islam, non. Dans le mas'alat al-riba, il faut se contenter des hadiths et des versets, et ne pas rentrer la logique dedans. Comme l'a dit Ali ibn Abi Talib, si la religion était basée sur la logique, alors il serait plus logique dans al-mas'al al-khufayn d'essuyer le dessous que le dessus. Car ce qui se salit le plus, c'est ce qui est sous la plante des pieds et non pas au-dessus. Et en islam, lorsqu'on essuie sur nos chaussons, nos chaussures ou chaussettes, on essuie dessus. D'accord ? Donc, dans la tariba, il ne faut pas rentrer la logique dedans, et il faut se fier et se contenter des textes rapportés, et surtout lorsqu'ils sont authentiques. Puis l'auteur dit « La wa'idha bi'a jinsun min hadihi sitta bi ghayri jinsini ka dhahabin bi fidda » أو بر بشعير جاز التفاضل بشرط أن يكون التفاضل التقابض. Vous avez الفاء والقاء. La première version il y a الفاء. Faudra ajouter un point. بشرط أن يكون التقابض في المجلس. Puis l'auteur dit et lorsque l'on vend une nature parmi ces six, donc selon l'avis de l'auteur et plus selon l'avis de la plupart des savants. Lorsque l'on vend une catégorie ou une nature par une autre nature, comme vendre de l'argent, de l'or par de l'argent, ou vendre du blé par de l'orge, il est autorisé de faire un surplus, d'avoir un surplus entre les deux, à condition que la transaction se fasse sur le champ. بشرط أن يكون التقابض في المجلس. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة السابق فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Et la preuve, c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم dans le hadith de Ubad ibn Samit qu'on a vu précédemment, où le prophète صلى الله عليه وسلم a dit et lorsque ces catégories diffèrent, vendez alors comme vous le désirez, إذا كان يدا بيد, si ceci est fait de main à main. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبادة عند أبي داود وغيره ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد أما نسيئة فلا وإذا بيع جنس من هذه الستة بما يخالفه في الجنس والعلة كذهب ببر وفضة بملح جاز التفاضل والنسيئة. Et également l'autre preuve, c'est le hadith de Ubad ibn Samit, mais cette fois-ci dans la version de Abu Daoud. Dans la version de Abu Daoud, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de mal à vendre de l'or par de l'argent et que l'argent soit en plus grande quantité. Alors que l'argent est en plus grande quantité, yad al biyad, à condition que cela soit fait de main à main. Wa amma nasi'atan fala. Mais en retardant, non. Mais en retardant, non. C'est clair ? Wa la ba'sa bi bay'i al-burr bish-sha'ir wa ash-sha'ir aktharuhuma yadan bi yad wa amma nasi'atan fala. Il n'y a pas de mal à vendre du blé par de l'orge et que l'orge est en plus grande quantité, à condition que cela soit fait de main à main, mais quant à retarder, non. Quant à retarder, non. C'est-à-dire retarder la transaction et à la reporter pour plus tard, et ni cela est interdit. وَإِذَا بِعَ جِنْسٌ مِنْ هَدِهِ سِتَّةٌ بِمَا يُخَالِفُهُ فِي الْجِنْسِ وَالْعِلَّةِ كَذَهَبٍ بِبُرٍ وَالْفِضَّةُ بِمِلْحٍ جَازَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسِيَةٌ. Et l'auteur dit, et lorsque les catégories lorsque l'on voit une catégorie par une autre catégorie dont la cause diffère. كَذَهَبٍ بِبُرْ وَفِضَّةٍ بِمِلْحٍ. Quand la cause diffère, c'est-à-dire la cause. العلة. L'auteur dit, lorsque les natures sont différentes et que les causes aussi sont différentes. جاز التفاضل والنسيئة. Il est à la fois autorisé de rajouter et de retarder. Parce que le Rabawiyat a son divisé en deux. Non, parce qu'on avait vu qu'il y a les causes de Rabawiyat, on avait vu que l'argent et l'or ont été interdits parce que c'est ce qui avait de la valeur. D'accord ? Et tout le reste sont interdits parce que c'est quelque chose qui se consomme. Donc il y a une cause. Les natures diffèrent, mais les causes aussi diffèrent. Sachant que lorsque les natures diffèrent, cela ne veut pas forcément dire que la cause diffère. Vendre de l'orge par du blé. Qu'est-ce qu'il y a comme condition ? Il y a comme condition que la transaction doit se faire sur le champ. Il est autorisé de faire un surplus, mais il n'est pas autorisé de retarder. Pourquoi ? Ce sont deux natures différentes, le blé et l'orge, mais la cause est la même qui est at-tu'miyya, qui est le fait que c'est de la nourriture et c'est quelque chose de consommable. Pareil entre l'or et l'argent. Tu as le droit de vendre de l'or avec de l'argent, de donner plus d'argent que d'or, à condition que la transaction se fasse sur place, sur le champ. Ici, ce sont deux natures différentes, l'or et l'argent, mais la cause est la même qui est la valeur. Et lorsque la nature diffère et la cause diffère, là tu as le droit à la fois de rajouter et à la fois de retarder, comme l'exemple qu'a donné l'auteur, comme l'argent, de vendre de l'argent par de vendre de l'or par du blé, ou du blé par de l'or. Ici, tu as le droit à la fois de rajouter et à la fois de retarder. وَفِضَّةٌ بِمِلْحٍ est pareil pour le fait de vendre du sel par de l'argent. De vendre du sel par de l'argent, tu as le droit de rajouter et tu as le droit de retarder la transaction. جَازَ التَّفَضُلُ وَالنَّسِيَّةَ. Donc, parmi les preuves de ceci, comme on l'avait vu la semaine dernière, c'est le hadith d'Abdullah ibn Abbas, où le professeur Sam avait vu les gens de Médine qui se prêtaient les dates et reportaient à la suite. Mais il y a aussi un autre hadith, an Aisha radiallahu anha, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ashtara ta'aman min yahudiyin ila ajal, farahanahu dir'ahu, hadithun sahih rawahu al-Bukhari. Parmi les autres preuves, c'est le hadith de Aisha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acheté de la nourriture chez un juif il a ajal. Il a ajal, c'est-à-dire que le paiement est retardé. Farahanahu dir'ahu. Farahanahu dir'ahu. Ar-rahan, c'est un dépôt de garantie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné comme dépôt de garantie dir'ahu. Qu'est-ce que le dir'a? Okay. Bouclier, ou c'est la côte de maille ou une armure, ça peut être un bouclier, une armure, ce qui est utilisé pour se protéger pendant le combat et qui est en général en fer. Donc ça peut être une armure ou une côte de maille. Et dans une autre hadith également dans Bukhari, le prophète sallam dans le hadith Aïcha radiallahu anha dit wa rahanahu dir'ahu min hadid. Et le professeur sallam a déposé comme garantie son armure de fer. Son armure de fer. Donc ici, c'est de la nourriture qui a été achetée par de l'argent, mais retardée. Est-ce que le professeur Hassan a donné l'argent aux juifs de suite? Non, il était retardé. Donc cela prouve qu'il est autorisé de retarder lorsque tu achètes de la nourriture par de l'argent. Et ici, ce sont deux natures différentes et ce sont deux causes également différentes. وقال الأمير الصنعاني في سبل السلام واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلا ومتفاضلا كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكين. أي الأمير الصنعاني رحمه الله أجد في سبل السلام qui est l'explication de بلوغ المرام qui est traduit en français par l'arrivée au but. L'imam al-San'ani a expliqué ce livre et il l'a appelé Subul al-Salam. Il dit, et sache que les savants sont d'accord sur l'autorisation de vendre Rabawi bi Rabawi. Rabawi bi Rabawi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un Rabawi? Ce sont les catégories dans lesquelles intervient l'usure. Qu'il est autorisé de vendre un rabawi par un rabawi, là du shariq ou fil jins, et qui n'est pas de même nature. Mu'ajjalan wa mutafadilan ka bay'i adh-dhahabi bil hinta. Il est autorisé de les retarder, de retarder la vente, et qu'il y ait un surplus, comme, il y a donné des exemples, comme de vendre de l'or, du froment par de l'or, ou de vendre de l'or, je parle de l'argent, et toute autre chose qui est mesurable. عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا حديث متفق عليه وزاد زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر متفق عليه وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب إذا يبس نقص. Ensuite, l'auteur parle de ce que les savants appellent al-muzabana. Il dit, il est interdit de vendre al-rutab bima kana yabisan illa li ahli al-araya. Il est interdit de vendre un rotab. Un rotab, ce sont les dattes qui sont mielleuses. Les dattes qui sont mielleuses, qui ont encore du sucre et du miel, contrairement à at-tamr. Parce que lorsqu'on dit un rotab, ce sont les dattes qui sont molles et juteuses, et mielleuses. Et at-tamr, on utilise le terme tamr pour dire des dattes qui sont sèches. D'accord ? Il y a une différence entre at-tamr et ar-rutab. At-tamr, c'est la date séchée qui ne contient pas de miel ni de source ni sucrée. Et ar-rutab, c'est tout le contraire. C'est la date qui est juteuse, qui est mielleuse, qui est dorée, etc. Et ici, l'auteur dit, il est interdit de vendre un rotab par des dattes qui sont séchées, illa li ahli al-araya, sauf pour ceux qui sont appelés ahlu al-araya. Qui sont-ils? Wa hum al-fuqara alladhina la nakhla lahum. Ce sont les pauvres qui n'ont pas de palmiers en leur possession. Falahum an yashtaruhu min ahli an-nakhl. Il leur est autorisé de l'acheter, c'est-à-dire d'acheter الرطب من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره. Il est autorisé à ces personnes pauvres qui n'ont pas de palmiers en leur possession d'acheter à ceux qui possèdent des palmiers des dattes الرطب, c'est-à-dire des dates mielleuses, يأكلونه في شجرة, qu'ils mangeront directement de l'arbre, بخرصه تمران. Et ceci en estimation en date. بخرصه تمران. الخرص, on avait dit que c'était une estimation. On avait parlé de ça dans le chapitre de la zakat. Le fait d'estimer. Explication. Donc, ici, il est interdit de vendre des dattes mielleuses par des dattes séchées. C'est un jugement en islam, sauf le professeur sallam a fait exception à Ahlul Araya, qui sont des personnes pauvres, qui n'ont pas de palmiers en leur possession. Et ils n'ont que des dattes séchées qui datent en général de l'année précédente. D'accord ? Et les dattes peuvent se conserver très longtemps. Et ces personnes, ces pauvres, en général, ces dattes, ce sont leur nourriture principale. Ce sont leur nourriture principale. Et lorsqu'arrive la saison dans laquelle les dattes sont mielleuses, ils sont encore accrochés au panier, en général, ces personnes ont envie de manger des dattes autres que les dattes séchées. Et ils veulent se faire plaisir et manger des choses qui sont mielleuses, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé. Et en échange, qu'est-ce qu'ils doivent donner ? Des dattes séchées. Combien de dattes séchées doivent-ils donner ? La même quantité que les rotab, c'est-à-dire... S'ils amènent 30 kilos de dattes séchées, ils auront 30 kilos de ropab. Non. Non. Ici, l'auteur a dit بِخَرْصِهِ تَمْرَان. Ils auront en échange l'estimation de ces ropab en dattes séchées. D'accord ? Exemple, pourquoi ? Parce que les dattes séchées, on va le voir par la suite, pourquoi est-ce que c'est interdit de vendre des dattes mielleuses par des dattes séchées ? Le professeur Asselem a expliqué ça dans un autre hadith qu'on va citer par la suite, car lorsque la datte mielleuse sèche, est-ce que son poids diminue ? Est-ce que son poids diminue ? Oui. Une datte mielleuse qui est grosse et qui est dorée, dans 2 ans ou dans 1 an, est-ce qu'elle va avoir le même poids ? Non, son poids il va diminuer puisqu'elle va sécher et la quantité de dattes en elle va diminuer également. C'est vrai que c'est interdit. Sauf pour Ahl al-Araya, ce sont eux qui ont le droit d'acheter et à ceux qui ont les palmiers de vendre, à condition que un expert vienne estimer. Et disent voilà, et dit à ces pauvres qui n'ont que des dattes avec eux, vous avez 30 kilos de dattes par exemple, et bien ce qu'il y a dans ce palmier comme dattes mielleuses, je l'estime à 30 kilos. Je sais, par mon expérience, que ces dattes-là, je ne sais pas, peut-être que c'est 35 ou 36 kilos de dattes mielleuses, je les estime en les voyant. Je sais que lorsqu'elles vont sécher, ça va faire 30 kilos. Et je te donne la quantité en rotab qui équivaut à la quantité en date que tu as quand elles seront sèches. C'est clair ou pas ? Non. Les preuves maintenant. La première preuve, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar radiallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-muzabana. Al-muzabana, et al-muzabana, la définition c'est de vendre al-thamru bi-tamri kaylan, de vendre une date mielleuse par une date sèche de même poids ou de même mesure. Wa bay'u al-karmi, qu'est-ce que le karm? Non. Non. Le carmo, c'est le raisin. Et il est interdit de vendre le raisin, c'est-à-dire le raisin qui est encore juteux, qui est encore... Spécifique, c'est le raisin. Non. Le carme, c'est l'inab. L'inab, c'est le raisin. Et le zabib, c'est le raisin sec. Est-ce qu'il y a une différence entre le raisin et le raisin sec? Non. Une grande différence. D'accord. Un raisin et un raisin sec, ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce qu'il est interdit de vendre du raisin par du raisin sec? Pourquoi? Car le raisin, lorsqu'il va sécher, est-ce qu'il va diminuer en volume? Non. Est-ce que le poids va changer? Non. Oui. Donc cela est interdit. Donc là, c'est la preuve que de vendre des dattes rotables par des dattes séchées ou du raisin par du raisin sec, que cela est interdit en islam. Est-ce que cela est autorisé si par exemple j'apporte quelqu'un ou j'amène une personne qui va estimer? Toi, tu es une personne qui a des dattes. Tu ne fais pas partie de l'araya. L'araya, on avait dit que ce sont les pauvres qui n'ont pas de palmier. Toi, tu es, mashallah, tu es riche, etc. Mais tu as des dattes. Et moi, j'ai des repas. Est-ce que j'ai le droit de ramener quelqu'un pour estimer? Je ramène le meilleur des estimateurs, le plus confirmé, qui va me dire qui va me donner l'estimation en rotab, des rotab, et il va me donner leur estimation en date séchée, pour qu'on puisse se les échanger, moi et toi. Est-ce que cela est autorisé? Pourquoi? Parce que c'est une exception à l'araya, mais pourquoi est-ce que dans ce cas ce n'est pas interdit? On a la possibilité de... Non? Il y a ça aussi, mais pourquoi est-ce que c'est interdit? Est-ce que l'estimation sera juste à 100%? Non. Non? Non. Est-ce que l'estimation, même si je ramène le plus confirmé, est-ce que l'estimation sera juste à 100%? Non. Le professeur Asselem, est-ce qu'il n'a-t-il pas dit mithlan bi mithl, sawa an bi sawa? Le professeur Asselem n'a-t-il pas dit que la quantité doit être similaire exactement? D'accord? Et en vendant des rotab par des dattes séchées, jamais tu ne pourras avoir la même quantité. Même si tu ramènes le plus expérimenté des estimateurs, il y aura toujours une marge d'erreur. Il y aura toujours une marge d'erreur, et cette marge d'erreur rend interdit la transaction. Car le professeur Hassan m'a dit « Mithlan bi mithl, sawa'an bi sawa ». La similitude doit être exacte. Et l'estimation, ce n'est pas une science exacte. C'est une science qui est imprécise. Même si elle se rapproche le plus de la vérité, mais elle reste imprécise. L'exception, elle est que pour ce type de date-là, avec les autres, tu peux faire des échanges. C'est-à-dire? Bah, at-tamr bit-tamr. Tu as le droit. Des dates séchées par des dates séchées. Ou des dates rotables par des dates rotables. Bah, il y a plusieurs catégories de dates. Il y a plusieurs catégories de rotables. Il y a le soukari, il y en a beaucoup. Des sortes de dates, si vous rentrez dedans, vous allez voir qu'il y en a énormément. Donc, le jugement, c'est ça. Ensuite, il y a une exception qui est cité dans le hadith de Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à Ashab al-Ariya, c'est-à-dire ceux qui sont pauvres et qui n'ont pas de palmier, an yabi'aha bi kharsiha min al-tamr. Il lui est autorisé de vendre et d'avoir en retour la quantité de rotab estimée en tamar. C'est clair ou pas? Et les savants ont dit que pour cette transaction, il y a des conditions. La première condition, c'est que Ahl al-Araya pour que la transaction soit valide, il ne doit pas avoir de palmier en sa possession. C'est la première condition. La deuxième, c'est qu'il ait besoin de rotab. C'est qu'il y ait un besoin, qu'il ait envie de manger des dattes mielleuses et qu'il en éprouve un besoin. Pas forcément une nécessité, mais un besoin. Il ne faut pas qu'il, par exemple, qu'il achète les rotab pour les laisser sécher et avoir des dattes séchées de meilleure qualité. Ici, est-ce qu'il en a besoin? Est-ce qu'il a besoin de les consommer? Non, il les a achetées pour les sécher. Là, cette transaction n'est pas autorisée. Et également, dans un autre hadith que l'auteur n'a pas cité, la quantité maximale est de 5 awsuq. 5 awsuq, combien fait le wasaq, on avait dit? On a vu ça dans le mode zakat. Al-wasaq, c'est tout na sa'an. Al-wasaq, c'est tout na sa'an. Un wasaq, ça fait 60 sa'a. Et on avait dit qu'un sa'a, ça fait 2040. Donc, 5 awsuq, ça fait combien de kilos? 5 awsuq. Un wasaq, ça fait 60 sa'a. Donc, 5 awsuq, ça fait 300 sa'a. Un sa'a, ça fait 2040. En kilos, ça fait 2040 fois 300. Ça fait combien? 612. Enfin, ça fait 612. Donc ça fait 612 kilos. C'est-à-dire que ce pauvre, il ne pourra pas vendre plus de 612 kilos. Khamsat Aousouk. Et l'autre condition, c'est que les rotabs qui vont être donnés en échange devront être estimés en tamar. Doivent être estimés en date séchée. Et également, et l'autre condition que les savants ont donnée, c'est que les dates doivent rester sur l'arbre. Les dates doivent être sur le palmier et ne doivent pas être arrachées. Pourquoi? Car le but de cette transaction, c'est que le pauvre mange les dates mielleuses et juteuses. Et le fait de les enlever, cela ne lui permettra pas de profiter de ces dates. D'où les savants disent qu'il est interdit, par exemple, que cette transaction se fasse si le propriétaire du palmier a enlevé toutes les dates et les a posées dans un grand récipient ou dans une benne. Il dit, voilà, je te vends, je t'achète des dates séchées pour tant de dates rotab à estimer en timbre, qui sont enlevés de l'arbre. Là, les savants disent que cela n'est pas autorisé. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب إذا يبس نقص. Et donc la raison de cela, de l'interdiction du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est que la vente de rotab par des dattes, l'interdiction de ceci, car les dattes qui sont mielleuses et juteuses, lorsqu'elles sèchent, elle baisse en volume. La preuve, عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك. حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي. La preuve est le hadith de سعد بن أبي وقاص qui rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a été questionné sur la vente de dattes mielleuses par des dattes séchées. Il a répondu, est-ce que les dattes mielleuses baissent ou diminuent lorsqu'elles sèchent? Ici, le professeur Asselam, il a posé une question. Est-ce qu'il connaissait la réponse ou ne la connaissait pas? Oui, le professeur Asselam connaissait la réponse, mais il a posé cette question pour attirer l'attention de ses compagnons sur une chose qui est réelle mais à laquelle ils n'ont pas forcément pensé, car c'est quand même quelque chose de précis Et c'est interdit, pourquoi? Parce que ces dattes mûres et ces dattes mielleuses, quand elles vont sécher, leur poids va diminuer. D'accord? فقالوا نعم, ils ont dit oui, envoyé d'Allah, فنهى عن ذلك. Il a donc interdit. Car il n'y a pas dans cette transaction de tasawi, il n'y a pas de similitude exacte en termes de quantité. Et à partir du moment où la quantité n'est pas exacte au gramme près, la transaction n'est pas valide, car at-tamr fait partie de ar-rabawiyat, fait partie de ces catégories dans laquelle l'usure intervient. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.